c'est un thème de dimanche après-midi, moi. Un thème très gainsbourgien pour poursuivre le radioton de CKRL. Je me présente, Pierre Blau au micro, avec Dominique Lelièvre à la mise en onde. Dominique, ça fait un bout de temps, mais là, tu parleras pas, là. Tu vas nous mimer, tu vas être un Marcel Marceau, tu vas faire un Marcel Marceau de toi-même. Pour poursuivre cette émission dans le cadre du radioton de CKRL, avant de vous présenter mes invités, de vous décrire les prochaines 90 minutes qui se tiendront sur les ondes du 89.1, un petit mot est très important, c'est qu'on vient de me dévoiler le montant récolté jusqu'ici dans le cadre de ce radioton qui souligne les 50 ans de la station CKRL située à Limoilou. Nous sommes rendus à un chiffre magique de 35 730 $. Vous savez qu'il faut atteindre le chiffre d'or. Le nombre d'or, le chiffre d'or, je ne sais plus. C'est dans les 40 000 et plus, je ne sais plus quel est l'objectif. Mais à chaque année, l'objectif devient de plus en plus grand. Ça ne cesse de grossir et nous l'atteindrons assurément. Donc, à 7 heures en ce dimanche, 35 730 $ pour le Radioton. Vous pouvez encore miser sur les différents lots, vous le savez, venir à la station, contribuer justement à perpétuer cette tradition qui existe depuis 50 ans sur les ondes du 89.1, soit offrir de la radio différente. Mes invités, je vais vous les présenter et par la suite, je vais vous résumer qu'est-ce qui va se passer dans le cadre des 90 prochaines minutes. Tout d'abord, je tiens à préciser parce que cette animation de cette émission qui s'intitule Fahrenheit 50 plus 1 devait se faire avec Anne-Josée Cameron, qui est ma co-animatrice habituelle du jeudi dans une émission de cinéma et littérature intitulée Fahrenheit 89.1. Bon. Fahrenheit 50 plus 1, c'est un clin d'œil aux 50 ans de CKRL. Et Anne-Josée est alitée présentement avec un problème de jambe. Elle est sous la morphine, la chanceuse, mais la malchanceuse, puisqu'elle ne peut pas se lever. On lui souhaite un prompt rétablissement, donc elle ne peut pas être ici aujourd'hui. J'assume seule l'animation, mais en compagnie de deux personnes qui viennent me rejoindre, Manon Dumais et Olivier Lefébure. Bonjour à vous deux. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, Pierre. Bonjour. Manon, on s'était vu au Radioton, voilà combien d'années? 4, 5 ans? 4 ou 5 ans. Quelque chose comme ça. Pour les 40 ans ou pour les 45 ans? Ben là, je ne sais plus. On perd la mémoire. Ben, oui, mais je suis plus jeune. Hein? Oui. Olivier, est-ce que tu t'en souviens? C'est moi qui ai fait le taxi à l'époque. Tu étais dans les loges? Et j'étais dans les loges et je pense que ça devait être pour les 10 ans. Donc, il y a 10 ans. OK, d'accord. Il y a 10 ans. Donc, c'était bien avant la pandémie. Mes invités ont sûrement une grande mémoire parce que cette émission, je dirais pas qu'elle sera à saveur nostalgique, mais nous allons parler autant de littérature et de cinéma. Mes invités sont à l'aise avec ces deux sujets. Et quand je disais d'avoir une grande mémoire pour l'occasion, c'est de se rappeler quels sont les livres, quels sont les auteurs, quels sont les cinéastes, quels sont les films qui ont marqué l'année 1973 ou autour d'eux, comme des gens aiment si bien les rappeler, circa 1973, lors de l'année de naissance de CKRL. Olivier, là, ton accent, là, y a personne qui se trompe, là, ça vient pas de Mézeray à côté, là. J'ai un accent? C'est un bobo du plateau, comme moi. Oui, ben oui, mais c'est, oui, puis cet accent-là est en train de prendre le dessus oui, au plateau. Vous venez de Montréal, mais encore, attends, on va te donner des précisions tout d'abord. Olivier, t'es de l'Hexagone, mais t'es arrivé ici en quelle année? Alors, moi, je suis arrivé au Québec en 1992. Ça a donc fait 30 ans au mois de décembre. 30 ans, voilà. Et Olivier, tu es responsable de Cinécole, qui est associé à un organisme que les gens connaissent, mais quelquefois, on ne se souvient plus du nom, Médiafilm. Médiafilm s'occupe de donner des cotes aux films de 1 à 7, 1 étant chef-d'œuvre et 7 étant minable. Voilà. Et toi, tu es dans le pendant de Cinécole, qui organise des projections de films dans les écoles du Québec. Effectivement, c'est ça. Moi, je travaille pour Médiafilm et il y a 13-14 ans maintenant, j'ai créé Cinécole, qui est un programme dont le but principal, c'est d'amener des jeunes de niveau secondaire au cinéma, voir principalement des films québécois. Alors, cette année, je vais amener environ 17-18 000 jeunes amenés à voir du cinéma. C'est un centre Bell ou ouais, centre ouais, Vidéotron centre, en entier. Ouais. Mais là, je le fais en plus de 100 fois. Et puis, ils auront vu, bah, pour certains, Antigone, Sophie de Rasp, mm-hmm. ou Chien blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai présenté le Club Villeland de Benoît Pilon. Et des documentaires, Je vous salue salope de Léa Clermont-Dion. Qui est un film essentiel. Voilà. Et moi, je travaille directement avec les écoles. Et l'objectif, c'est, un, de montrer des films québécois à des jeunes, parce que la plupart on voit pas, mmh. et de faire en sorte que les enseignants utilisent le cinéma dans le cadre de leur pédagogie. Parce qu'il y a plein d'enseignants qui aimeraient bien utiliser le cinéma, mais qui ne savent pas où aller chercher les films, qui ne savent pas si le film est bon ou pas bon. Exactement, et on en parle ces temps-ci, où aller chercher les films québécois. Voilà. Et moi, donc, je connais, quand je viens à Québec, je travaille avec les gens du CLAP, puis j'organise des projections au CLAP. À Montréal, c'est au Beaubien, puis je vais à Sherbrooke, à Trois-Rivières. C'est de la tournée. Je fais la tournée des Tell cinémas. Bruce Springsteen. Ah oui. Je suis même applaudi des fois, mais un peu moins. Ça quand arrive. Même. Et celle qu'on va applaudir aussi, c'est Manon Dumais. Manon, il y a eu le journal Voir, oui, entre autres. Mais pendant une douzaine d'années. Oui, mais là, il y a Le Devoir depuis un bail. Mais j'aime bien rappeler tes origines, parce que toi, t'as grandi, t'as fait quelques années dans la région de Québec. Bon, voilà. Et Hors-Saint-Ville. Oui, c'est ça. Ça jouait plus dur, Hors-Saint-Ville, non? Non, pas dans mon temps. C'est sûr qu'on appelait ça la ville des barreaux. Ils finissaient tous en prison, là-bas. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais une enfant sage, parce que mon père nous disait toujours à mes sœurs et moi, si vous êtes pas sage, vous irez en prison ou au zoo. Quelle belle façon d'éveler ben ses voilà. enfants. Adjointe à la direction de l'info et responsable contenu de lire. Oui, ben oui, ça c'est la poutine. Mais ça t'empêche pas d'écrire. Ah non, tu fais pas juste de la gestion culturelle. Exactement, je gère pas juste des égos de journaliste. Ça te manquerait trop aussi. Hein? Je pourrais pas, parce que tu vois, un peu avant la pandémie, je dirigeais aussi la section Vivre, qui est morte avec la pandémie, parce qu'on parlait beaucoup de restos, de voyages, de plein air. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée seulement à diriger les pages lire, les contenus lire, comme on dit, parce que c'est pas seulement le samedi dans le cahier D. Et donc, j'étais heureuse de retrouver ma plume, parce qu'on me fait beaucoup écrire en cinéma, en télé. Et en littérature, littérature aussi. Oui, parce que j'ai une formation littéraire. Moi, en fait, mon rêve, c'était d'enseigner au cégep, mais à l'époque, tout était contingenté. Je me suis donc retrouvée journaliste et tout va bien jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 20 ans. Peut-être qu'il y a des cinéastes qui disent « Non, ça va pas si bien depuis que t'es là. » Parce que bon, mon surnom, monde évolue. Ben oui, mais parce que mon surnom, au voir, la correctrice réviseur, Constance Savard, que j'aimais tant, que je salue, me disait, m'appelait Manon One Star Dumais. Parce que quand on a le temps de planter un navet, j'y allais pas, ben morte. Ben, j'allais dire que du côté de Médiafilm, où Olivier travaille, ça manque de 7. Ah, écoute. Il n'y a pas assez de cotes 7 minables. Je pense que j'en ai un à mon actif. Oui, mais ça veut dire quand même que le cinéma se maintient. Parce que quand met des cotes 7, c'est que c'est dit minable. Donc, c'est vraiment pas bon. Mais c'est toujours un plaisir de planter un film. Et ça peut faire sourire. Et j'espère que dans les prochaines 90 minutes, vous allez sourire avec nous en vous rappelant des souvenirs de l'année 1973 et autour de 1973. Petite musique pour introduire le prochain segment, puisqu'on va parler des films marquants de l'année 1973 avec mes deux invités. De retour sur les ondes du 89.1, vous êtes au Radioton de CKRL, à l'émission qui s'intitule Fahrenheit 50+1, où on souligne les 50 ans de CKRL, d'une part, bien évidemment, on regarde vers le futur, mais aussi vers le passé, année 1973, avec Olivier Lefebure et Manon Dumais. Là, on vient d'entendre une musique d'un immense succès que j'ai été allé voir en salle à l'époque avec ma mère. C'est Les Aventures de Rabbi Jacob, avec Louis de Funès. Il faut dire que les années 70, en termes d'humour et en provenance de la France, ça cartonnait au Québec, et pas simplement dans l'Hexagone, puisque les Charlots avaient du succès, Pierre Richard avait du succès, et Louis de Funès. Olivier, Les Aventures d'Arabie Jacob, ça doit être marquant. Oui, ça a été un film marquant qui fait encore parler, parce qu'il passe encore régulièrement à la télé et ça marche toujours autant. Je ne sais pas si on pourrait refaire le même film aujourd'hui. Non, parce que quand il y a des séquences. Il y a un humour qui est pas caché. Il y a un humour, oui. J'ai encore vu il y a quelques jours la fameuse scène de danse. Pas de danse, dans la voiture où Louis de Funès réalise que son chauffeur est juif. Il fait Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Bon, c'est pas grave, je vous garde. Donc, mais c'est un film qui a effectivement marqué et un gros succès. Juste avant que Louis de Funès, je crois, a eu ses problèmes de cardiaque, peu de temps après, c'est encore les films où il danse, où il fait le fou, et la fameuse scène où effectivement où il danse en plein milieu de la rue. Mais c'est le genre de film effectivement qui a marqué la France, qui a marqué les Français et qui repasse régulièrement. Absolument. Et ça marche toujours autant. Tout à fait. Maintenant, 1973, un souvenir parce que il faut le dire, on n'était pas très vieux là, nous quand même. Donc c'est nos premières sorties au cinéma ou dans les premiers films, du moins qui restaient longtemps à l'affiche. Oui, c'est ça parce que finalement, je me suis rendu compte en échangeant avec toi que le film dont je te parlais était sorti en 72, mais au printemps 72, pour être plus spécifique. Et moi, je l'ai vu au printemps 73 dans la belle toilette marine et blanche que m'avait acheté ma grand-mère. Et donc, c'était un documentaire, imagine-toi, de Denis Héroux. À qui l'on doit des comédies coquines. Absolument. Donc, film québécois. Un film québécois avec René Simard. En fait, c'est un documentaire sur René Simard, Un enfant comme les autres. C'est ton premier souvenir de cinéma? C'est la première fois où je suis allée au cinéma. C'était au Capitole avec ma grand-maman de Sainte-Foy. Elle pensait que j'aimais René Simard parce que j'en parlais beaucoup. Mais en fait, j'en parlais parce qu'il me tapait sur les nerfs. Et donc, elle m'avait amené au cinéma. Mais moi, je dirais que oui, ça a été une expérience de voir un film sur grand écran. Mais moi, ma cinéphilie commence vraiment en 73 parce qu'en 73, j'ai vu à la télé Les Oiseaux d'Hitchcock, qui n'est pas un film de 73, évidemment. Mais donc, c'était en revenant de la maternelle, après le dîner, ça passait probablement à Télé-Capitale, au Canal 4. Tu sais que j'habitais l'avenue Mirand. Oui, aussi? Télé-Capitale. Oui, au c'est coin pas de chemin Sainte-Foy, ça? C'est pas Sainte-Foy. Non, c'est encore Québec. C'est encore Québec. Ouais. Donc, c'est Québec. Après l'Université Laval, finalement, okay, quand ça devient Sainte-Foy. Oui, là, ça si je ne m'abuse. Ben, ça se peut. Enfin. Mais enfin, c'est pas grave. Mais j'habite à Saint-Ville de Sainte-Foy-Québec. Ah oui, Télé-Capitale. Tout à fait. Mais donc, ça, c'était Les Oiseaux d'Hitchcock. Et ma mère était en train de faire la vaisselle. Elle était encore femme au foyer à l'époque. Elle disait, oh mon Dieu, depuis que j'ai vu ce film-là, je suis traumatisée par les oiseaux. Et moi, je suis restée scotchée devant la télé. Et là, j'avais l'impression que, OK, le cinéma, c'est pas que René Simard. On reviendra sur les films américains, les films internationaux qui ont marqué cette époque-là. Mais je vous tends une perche à vous deux. Ça a quand même été une assez grande année pour le cinéma québécois. Je regardais les titres qui étaient sortis. Il y a Kamouraska de Claude Jutras, 1973. Et là, on est dans un genre, ben, une adaptation littéraire d'un livre, bien évidemment, d'Anne-Hébert. Donc, d'un côté, il y avait des œuvres, je dirais, sérieuses, dont Réjeanne Padovani de Denis Arcand. Qui fassent toujours autant aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. Sur la mafia montréalaise. Oui, ça avec Luce Guilbeault, la défunte. Oui, effectivement. Et on était aussi dans l'humour avec des titres de films. Il y a toujours moyen de moyenner. Oui, avec Jean-Guy Moreau et il Dodo. Il n'y a pas de Ligue Michel là-dedans, oui, Dodo, c'est ça, c'est, hein, Dodo? Est-ce que c'est là-dedans qu'on la voit sur un cercueil? Ben, je me souviens. Non, ça, je pense que c'est dans Tiens-toi bien après les oreilles à papa. Bon, on n'était pas loin, hein, ça, c'est l'époque. Mais oui, c'est ça, je me rappelle la petite chanson que Dominique chantait, là, et puis il y avait... C'est ça, c'était les tribulations d'un banquier, je pense, incarné par Jean-Guy Moreau, enfin, bref. On était dans l'humour. Oui, mais c'était pas la comédie coquine pas autant, comme non, Les Femmes ça. En or, là. Parmi les autres titres qui sont sortis, il y a des cinéastes qui étaient très prolifiques à l'époque. Je pense à Gilles Carle. Oui. Deux films cette année-là, Les Corps Célestes et La Mort d'un Bûcheron. Oui. Et aussi oui. Jean-Pierre Lefebvre, qu'on tant oublié, mais qui a été, durant certaines années, le réalisateur québécois peut-être le plus prolifique. Hein. Avec Les Dernières Fiançailles. Exact. Oui, mais ça... surtout un titre inoubliable oui. d'un film que je n'ai jamais vu, ah. On n'engraisse pas les cochons à l'eau claire. Oh. Ben ça, je l'ai pas vu, celui-là. Non, moi, j'ai vu Les Dernières Fiançailles, qui est un film, je pense qu'Olivier aussi, oui, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu il y a longtemps, mais qui sont chefs-d'œuvre. J'ai été marqué par ce film parce que oui, c'est un vieux couple qui a, bon, peut-être pas si vieux que ça, à l'époque, quoiqu'à l'époque, il devait avoir 70, 75 ce que ans. Dire. Ce qui était le 90. Ce qui était le 90 aujourd'hui. Et c'est les derniers moments d'un couple. Et c'est très, très touchant. Il y a quasiment pas d'histoire. C'est tout simple. C'est une petite chronique. Mm-hmm. Mais, je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce film-là. Soit en voyant ses parents ou ses grands-parents selon son âge. Et c'est vraiment très, très émouvant. Je l'ai jamais revu depuis, mais, En fait, ça manque à la télé québécoise de revoir ces films. Oui, moi, c'est ce que j'aimais dans les années 70, parce que j'étais trop jeune à l'époque pour aller voir ces films-là. Parce que moi, je voyais un culte à Carole Laure et à Micheline Langteau quand j'étais enfant. Et à c'était une héroïne dans La Vraie Nature de Bernadette. Langteau était une femme oui, forte. Oui, tout à fait, mais ces films-là, je les découvrais à la télé. Mais parce qu'à l'époque, justement, à Radio-Canada, il y avait plusieurs films. Je pense que c'était à 20h, on voyait les films. Anecdote. Anecdote, j'étais samedi 27 septembre 1973. Diffusion à la télé de Radio-Canada un samedi soir. Normalement, c'est la soirée du hockey, mais bon, ouais, regarde. Hors saison, là. Mon oncle Antoine. Ah, ben oui. Code ben, d'écoute, 2 500 000. Eh ben, j'en étais. Et il passait à quelle heure? À 20h. Ça devait être en heure de grande écoute, oui. Alors aujourd'hui, il passerait à minuit ou minuit et demi. Oui. Et donc, mes parents me laissaient dormir un peu plus tard. Olivier, souvenir de 1973, tout à l'heure, on évoquait le documentaire avec René Simard, Un enfant comme les autres, mais toi, dans ton cas? En fait, moi, dans mon cas, à l'époque, j'allais pas au cinéma parce que j'habitais à la campagne, vraiment en Normandie, au fin fond de la campagne. Donc, ça se passait à la télé? Donc, ça se passait à la télé. Ma cinéphilie, moi, je l'ai fait à la télévision. On regardait, alors, beaucoup de films français, beaucoup de comédies, alors Louis de Funès, Bourville, Fernandel, Jean Gabin, parce que mon père avait décrété une fois pour toutes que Jean Gabin était bon dans tous les films, dans tous les rôles. Mon père faisait la même chose. C'était le chant du cygne dans ces années-là, Jean Gabin. Oui, mais ces films passaient régulièrement, donc on regardait tous les Jean Gabin, et je regardais les westerns. J'ai été nourri, moi, au western américain classique des années 40, 50. Et nous y reviendrons, mais western italien également, peut-être? Il passait pas à la télé. Ah. Non, ça, ça passait pas. Okay, c'était donc, vraiment les westerns. John Wayne. John Wayne a été mon idole quand j'étais ado. J'ai vu, pas tous les John Wayne, mais j'en ai vu plein, puis des James Stewart, Richard Widmark. Burt Lancaster. Burt Lancaster. Tous les westerns, on les regarde. Il serait une idole, là. LGBTQ, Lancaster aujourd'hui, il aimait tout le monde. Ouais, il aimait tout le monde. Il était pansexuel. Ouais. Mais c'est ça. Donc, je regardais. Ma cinéphilie, moi, je l'ai faite d'abord. À la télévision, Manon, à la télévision, on regardait les films qui passaient à l'époque à 20h30. Un film qui passait régulièrement à la télévision dans les années 70, et je pense qu'on a été marqué par ça. Manon et moi, du moins, sauf qu'il fait le pont avec la France. Ouais. Parce qu'on parlait de Louis de Funès tantôt, et il avait failli se faire voler la vedette dans Les Gendarmes par Jean Lefebvre. Ah. Il y a une rumeur qui court. Il y a une rumeur qui court que de Funès trouvait que Lefebvre prenait trop de place dans Les Gendarmes, ce qui fait que Jean Lefebvre n'est pas dans les derniers film des gendarmes. Non, effectivement, il est dans les premiers, mais dans les derniers, le gendarme, les gendarmettes, puis le gendarme, les extraterrestres, Jean Lefebvre n'est plus là. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, c'est une grosse vedette. Et on l'a vu dans un film québécois qui a cartonné. Je ne sais pas si en France ça a eu le même succès. D'ailleurs, c'était même pas le même titre. Mais tout à l'heure, on parlait de René Simard avec Jean Lefebvre. On revient toujours à René Simard. J'ai mon voyage. Avec Dodo aussi. Et il y avait Régis. Donc, c'était Régis. Les petits Simard. Écoute, il y avait une scène de moissonneuse-batteuse mémorable dans ce film-là, dans un champ de maïs. Et ça faisait le pont entre la France et le Québec. Je pense qu'on voulait que le film, la comédie, fonctionne dans les deux cas. Avais-tu déjà vu ça, Olivier? Non, et je ne l'ai jamais vu. Je préfère ne pas le voir. Parce que faut pas oublier que, oui, Jean Lefebvre a été une grosse vedette. Jean Lefebvre a été moyennement connu jusqu'au milieu des années 60. Ensuite, tranquillement, il a pris de l'ampleur. Et dans les années 70, ça a été une énorme vedette de comédie. Mais plus ça avançait, plus ça a été laborieux et lamentable. Il passait son temps dans les casinos. Il a dilapidé des fortunes dans les casinos, mais les dernières comédies, c'était franchouillard, très mauvais. Oh, oui. On a fait notre éducation avec la télévision et pas simplement en allant au cinéma. Et avant de passer justement aux encans et aux publicités de CKRL, pour vous rappeler qu'on est au Radioton, je vais vous faire entendre un extrait. Et là, ça va du côté de la télévision, parce que ça aussi, ça a été marquant. Autant les séries françaises, ça s'en venait au Québec, on a été élevé avec ça, les séries américaines qui étaient traduites, mais aussi les séries britanniques. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Les dessins animés japonais, Minifé et autres. Mais dans les années 70, il y avait des thèmes musicaux de séries britanniques que je trouvais sensationnels. Et juste avec le thème musical, on se dit, il faut que j'écoute ça. Je sais pas c'est quoi, mais il faut que j'écoute ça. Et là, on va vous rappeler un souvenir et on s'en va en publicité par la suite, amicalement vôtre. Ah oui.

L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse. Deuxième demi-heure de cette émission spéciale de Fahrenheit 89.1, réintitulée Fahrenheit 50+1. Pierre Blau au micro. Anne-Josée Cameron est absente. Elle était censée être des nôtres, mais s'est portée pâle. Donc, c'est avec mes deux invités que se poursuit cette émission jusqu'à 16h30. Manon Dumais du Devoir, rebonjour. Rebonjour, Pierre Blau. Olivier Lefébure de Médiafilm Cinécole, rebonjour. Rebonjour, Pierre. Comme vient de le dire Albin de la Simone si bien en chanson, là, cette fois-ci, après avoir parlé de cinéma, on va parler de littérature. Nous nous reportons dans le temps autour de l'année 1960. On ne se tiendra pas que dans ces 12 mois-là, et allons un peu autour, un peu avant, mais pour dire qu'est-ce qui était à la mode, qu'est-ce qu'on lisait, on était presque trop jeunes pour lire, à peine, je ne sais pas trop, ouais, ben, mais quels sont nos souvenirs littéraires, quels sont les événements marquants de la littérature de cette époque-là? On n'agit pas en tant qu'historien en ce moment, on s'amuse au micro, mais non, 1973 en littérature, ça évoque quoi? Ben, écoute, moi, j'écoutais les... Tu écoutais? Parce que je lisais pas à 5 ans. Okay. Alors, j'écoutais les histoires de princesses de Disney sur mon pick-up Mickey Mouse. J'écoutais aussi les fables de La Fontaine. Avec le gling-gling, puis oui, on tourne la page. Fée clochette, absolument. Oui, c'est ça. Mais, par exemple, faut que je te dise, parce que je l'ai lu à l'université, mais 73, c'est la sortie... Si c'est pas mon roman préféré, il est dans mon top 5, L'hiver de force de Régent Ducharme. Le grand. Qui est l'un de ses romans phares et le tien, entre autres, c'est ce que tu me dis. Ah oui, j'adore ce roman-là. Je l'ai découvert quand même sur le tard, au bac en littérature. Et je me suis tellement identifiée à ces deux personnages-là, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va dire ses opinions, qui va donner ses opinions politiques, est un peu, je m'en foutiste un peu, dans le sens que on vive et laisse vivre et tout ça. Et André et Nicole Ferron sont un peu comme ça. Ce sont deux correcteurs-réviseurs. Moi, j'ai commencé comme correctrice-réviseur, qui vivent dans un petit appartement de Montréal, qui ont pas beaucoup d'argent. Au début, j'étais un peu une pigiste crève la dalle, comme on dit. Et donc, ils sont dans leur appartement. Puis là, ils entendent leurs amis qui parlent du Parti québécois. Enfin, le Parti québécois, est-ce qu'il existait? Oui, je pense. Il était 73, élu la première fois en 76. Donc, exact. Oui, je pense que le RIN devenait. Il y avait la fusion. À ce moment-là. Et donc, il y avait un vent nationalisme qui soufflait. Mes parents étaient fédéralistes. Alors, imaginez leur désarroi. Et là, donc, André et Nicole Ferron sont là. Ah, oui, le PQ, oui, c'est bien. Et puis, à un moment donné, ils vont le dire carrément, notre bag, man, c'est le bag vide. Ils sont un peu nihilistes, et enfin, bref, un grand roman. Mais si on parle des auteurs phares au Québec dans cette époque-là, tu viens de le dire, il y avait Régent Ducharme, Jacques Godbout, Claude Jasmin, oui. Marie-Claire Blais, Anne Hébert, évidemment, qui est sorti, Kamouraska un peu avant et Les Enfants du Sabbat un peu après. Ils sont aussi parmi mes romans préférés. Kamouraska, c'est un chef-d'œuvre. Le film, un peu moins, mais même si... Moi aussi, j'ai des réticences sur le film. J'ai beaucoup de réticences. On parlait de J'ai mon voyage tantôt, qui faisait le pont avec Jean Lefebvre, de la France et du Québec, mais Kamouraska, c'est un peu la même chose. Oui, parce que c'est vrai. Il y avait Geneviève Bugeaud et Philippe Léotard. Oui, il y avait un peu des deux. Il y avait de la France et du Québec c'est là-dedans. Est-ce que même c'était pas une coproduction? Je pense, est-ce qu'il y avait les États-Unis? Parce qu'il y avait Richard Jordan dans le rôle du beau Dr. Nelson. Production internationale. Internationale. Tu parlais de l'hiver de force, Manon. Hubert Aquin, lui, avait sorti Neige Noire. On est dans une certaine thématique. Non, mais tu sais que j'ai fait ma maîtrise sur Hubert Aquin. Oui, tout est dans tout. Mais à l'époque, je le connaissais pas. Olivier, souvenir littéraire? À cette époque-là, ben moi, j'avais... En 73, j'avais 9 ans. Donc c'est de la littérature jeunesse. Donc, c'est de la littérature jeunesse. Mais très rapidement, je suis tombé, moi, dans les Jules Verne. Parce que j'avais un oncle qui travaillait de mémoire chez Hachette, puis à Noël, il m'offrait des gros recueils de Jules Verne, et ça a été, le début de ma littérature un peu adulte. Donc, passer du côté livre pour enfants à de la littérature plus facile, mais... Parce qu'en France, la littérature jeunesse était forte. Moi, je me souviens du Club des Cinq, le Club des Sept. Oui, la famille HLM. C'est ça. Mais moi, je suis un peu poisson rouge. J'aurais dû être scout et j'aurais été sous mon surnom. nom, ça aurait été Poisson Rouge. Donc, j'ai pas grand souvenir des livres enfants que j'ai lus. Et très rapidement, moi, je suis tombé dans de la littérature dès 12, 13 ans. Adulte, mais qui marque l'imaginaire. Oui. Et un de mes grands souvenirs, c'est Hector Servadac de Jules Verne. Et peut-être un ou deux ans plus tard, donc je dirais peut-être 74, 75, Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Oh wow, quand même. Ah, attends, Le Diable au corps, là, c'est et moi, j'étais encore dans le contexte. Je veux dire, il y a eu un film. Oui, il y a eu plusieurs films. Et un film qui avait fait scandale à l'époque. Oui, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui tombe amoureux d'une femme qui a presque 10 ans de plus que lui, dont le mari est parti à la guerre. Ça se passe en 14-18. Et ça, c'est un de mes plus grands souvenirs de jeunesse, de littérature. D'éveil. D'éveil, mais surtout, c'est un livre où il se passe quasiment rien entre les personnages. Sauf à la fin, on découvre, mais je ne vous en donnerai pas le punch. Mm-hmm. Mais c'est tout plein d'allusions. Et c'est un roman fabuleux. Mais t'avais quel âge quand tu l'as lu? J'avais 14 ans. Donc j'étais 10 fois trop jeune pour le lire. Mais c'est pas grave. C'est une époque où j'ai démarré la littérature, je dirais, jeune. On a parlé de littérature jeunesse, puis de romans tout court. Je regardais des chiffres. En 1970, au Québec, donc quelques années avant 1973, il s'était publié 70 romans. Seulement. Manon, on est rendu à combien aujourd'hui? Tu t'occupes de la section livre du journal Le Devoir. Oh, ça a sûrement triplé. Trop. Plus que ça. Oui. Certains disent qu'il y a plus de livres que de lecteurs. Oui, parce que oui, il y a une production qui est énorme. Hélas, mais oui, puis il y en a là-dedans qui sont excellents. Il y a de très grands auteurs, il y a de nouveaux auteurs qui sont vraiment à surveiller. Absolument. Mais oui, moi, des fois, je dis il y en a trop. Je les reçois toutes les semaines. Je ne sais plus à combien, 400 peut-être. Je ne sais plus. Je me trompe peut-être avec les films. Non, il n'y a pas 400. Non, il y a 40 films québécois par année, mais... Les films québécois, il y en a environ... 35-40. 35-40. Mais 40. Fiction, on est dans la fiction. Si on ajoute les documentaires qui sortent, il y en a beaucoup plus. Mais, il y a au moins par année des livres québécois. C'est par centaines, ça se calcule. Oui, c'est ça, j'ai pas les chiffres. Les livres québécois, si on ajoute les livres d'astrologie, les livres éducatifs... Les livres de recettes, je pense qu'on est à plusieurs milliers, je pense que c'était 5000 par année à une époque. 5000? Oui. Qui était recensé. Moi, je pensais que... Mais des c'est romans, fou. Okay. Mais des romans, c'est évidemment beaucoup moins, là, mais on est dans les centaines. Okay, dans les centaines. Mais en lisant là-dessus, parce que je disais, on était dans la littérature jeunesse, dans les romans, mais quand je lisais sur les années 70, c'est corrigez-moi, de votre culture littéraire québécoise, du moins, ce qui a été marquant dans ces années-là, c'est la poésie au Québec. Ah, ben oui, il y avait des noms, mais c'était les grandes années de Péloquin, Garneau, Paul Chamberlain, Gaston Miron, Pierre Morency, Gilbert Langevin, l'avènement de Lucien Francoeur, également Marie Huguet. C'était des grosses années de poésie. Non, mais Pierre, que moi, j'ai découvert la poésie québécoise par Lucien Francoeur, parce que ma compagne de l'époque était québécoise, et donc j'ai découvert, moi, le Québec. Les premières choses que j'ai découvertes, en dehors des chansons de Beaudommage qu'on entendait à la radio. Et de Symphorien. Et de Symphorien, oui, face à autre chose. Qui passait la nuit en France. Mais c'était la poésie de Lucien Francoeur. Quand t'es pas là, mes toasts brûlent. J'ai trouvé ça fabuleux, et depuis, j'ai toujours le même amour pour Lucien Francoeur. Et ça a été mon introduction à la poésie québécoise, c'est Lucien Francoeur. La dernière fois que j'ai rencontré Lucien Francoeur, c'était dans un salon du livre. On devait faire une entrevue avec lui. Il s'était perdu dans le salon. Ah, je suis pas étonnée. Moi, il s'était perdu dans le studio de radio où j'étais. Est-ce qu'il avait fumé? Ah, ça, oui. Olivier semble bien au courant du personnage. Souvenir, Manon également, poésie? Ben, moi, quand tu me dis poésie des années 70, je pense à la grande nuit de la poésie avec Michel Lalonde. Oui, Speak White, il est si beau de vous entendre dans la langue de Shakespeare, de Molière. Mais Claude Gauvreau, qui est mort peu de temps après, je crois, dans des circonstances qui demeurent nébuleuses. Paul Chamberlain avec sa collerette en fraise, moi, ça m'a fait rire parce que Paul a été un de mes profs à l'UQAM. Donc, le voir jeune, habillé en espèce de juste au corps vert, puis une espèce de fraise, c'est assez particulier. Puis aussi, Raoul Duguay, qui chante, est-ce que c'est la chanson, il parle du parloir là-dedans? C'est dans l'infonie à l'époque. Oui, c'est hein? ça, c'est l'infonie. Ah non, c'est avec, je pense qu'il y a un panache sur la tête. Oui, il en fumait du bon. Puis aussi Péloquin qui tourne le dos au public. Moi, je m'en vais par là. Non, Parce que on était trop jeunes. Ouais. C'est par la suite, en voyant le film qui avait été immortalisé par l'ONF, je crois. Par Jean-Claude Labrec. Jean-Claude Labrec, mais à l'ONF. Je pense que que c'est un film de l'ONF. Ben, il faudra aller voir sur ONF, onf.ca, oui, s'il n'y est pas. Et on a connu justement ça par la suite, étant plus vieux. Mais c'est drôle que tu abordes ça en parlant de Raoul Duguay. Parce que moi, les années 70, si on parle de poésie, Olivier l'a abordé avec Lucien Francaire, ouais, ça passait beaucoup par la chanson aussi au Québec. Et l'année 1973, même si j'étais très jeune, pour moi, dans mon imaginaire et dans ma culture de la poésie québécoise en chanson, c'est tout l'avènement des groupes québécois comme Octobre, Beau Dommage, Harmonium. Oh, oui. On s'appropriait le joual qui était lancé depuis Charlebois, mais aussi avec, je dirais... il y avait quelque chose, il y avait plus de pudeur en quelque part, et on était dans le terroir aussi, oui, avec les Séguins. Oui, mais on rockait en français. Rappelle-toi Michel Pagliaro, mon premier 45 tours, moi c'est J'entends frapper en 73. C'est à ce moment-là que des auteurs, corrige-moi maintenant, mais ont fait leur apparition dans le milieu de la, dans le milieu de la chanson comme parolier. Jean Duchamp? Ben, ouais. Excuse-moi. C'est ça. Punch. Gilbert Langevin aussi, oui, à la Offenbach. C'est vrai. Tout à fait. Mais je pense que Pierre Huet aussi a écrit pour... Pierre Huet a écrit pour Offenbach. Dommage, pour Paul Piché, puis Beau Dommage, ouais, bien évidemment. Ouais, ouais. Olivier, un autre mot sur la littérature avant de retourner avec un petit quiz rapide sur le cinéma, ce qui va conclure d'ailleurs cette demi-heure. On va passer quelques musiques à se souvenir. Tantôt, on a beaucoup parlé de cinéma québécois, mais encore là, du côté de la France, en littérature... À cette époque-là... Y a-t-il un souvenir? Tu as parlé de Jules Verne tout à l'heure, mais oui, est-ce qu'il y a des romans phares que tu... Parce que là, Manon disait que L'Hiver de force, ça a été marquant pour elle. Adulte, es-tu replongé dans la littérature des années 70, par hasard? Oui, je continue toujours. Moi, je suis une vieille chose, donc je relis des vieux romans, parce que j'aime ça. Mais dans les années 70, ce que j'ai beaucoup lu aussi, c'est un écrivain qui s'appelle Hervé Bazin, qui est peut-être un peu tombé... Parce qu'il y a eu sa trilogie avec... le nœud de vipère, non, vipère au poing, le cri de la chouette et le troisième, non, le... Je me rappelle jamais le troisième. C'est vipère au poing, le cri de la chouette et le troisième, où il raconte sa famille et c'est un personnage... Quand on est enfant, et moi, enfant, je m'aimais pas tellement, j'avais pas l'impression de me retrouver, et c'était un personnage, il racontait son enfance, c'est assez fabuleux. Donc ça, les romans d'Hervé Bazin dans les années 70, je les ai beaucoup lus. Puis ça me rappelait aussi ma famille, quelque part, notamment tous les... Normande. Oui. Ma famille normande, oui, mais c'était l'atmosphère. C'était notamment chez Mauriac, beaucoup plus côté bourgeois de aristo, la campagne, avec un petit côté aristo. Donc ça, j'aimais beaucoup. Et voilà, c'était notre mot sur la littérature. Petite musique, juste pour faire un pont avec l'année 1973. On retourne du côté du cinéma. Et la petite musique sur probablement le film le plus épeurant de l'année 73 et l'un des plus épeurants de l'histoire du cinéma. Oui. L'Exorciste. Et ça, c'est drôle parce que Mike Oldfield, qui a composé la musique, avait connu du succès avec son album. Et pourtant, il est devenu mythique. Mais dès qu'on entend ces notes-là, on repense au film. Oui, ça a été marquant dans l'année 1973. Nous, on a vu le film plus tard, évidemment. Oui, moi Manon, aussi, Olivier. Je l'ai vu un peu plus tard, mais effectivement... Avant d'aller le voir, je me rappelle, on nous disait que fallait faire attention. Un trauma avertissement, comme on dit aujourd'hui. Oui, qu'il y avait des gens qui s'étaient trouvés mal, qu'il fallait être en santé pour y aller le voir, parce que il y avait des gens qui étaient sortis sur une civière. Oui, qu'on pouvait accoucher en plein milieu du film tellement c'était effrayant. Là. Non, on racontait plein de légendes urbaines autour du film. Puis moi, je me rappelle quand je suis ressorti du film, je dis, bon, ok, ça fait peur, mais bon, j'en suis pas mort. Mais attends, t'avais quel âge quand tu l'as vu? Oh, je devais avoir 14-15 ans. Ah, c'est ça. Moi, j'allais dire avant 12 ans, c'est quand même un bon choc. Moi, je l'ai vu à 12 ans, 1980, au collège. Moi, j'allais dans un collège de filles. Et là, on se disait, hey, t'es-tu game de voir le film? Oh oui, je vais le regarder. Et mes parents, pour une rare fois, sortaient au cinéma ce soir-là. Et donc, je me retrouvais avec mes trois petites sœurs qui avaient, à l'époque, donc, 7 ans, 3 ans, non, je sais plus. En tout cas, fallait aller les coucher. Même celle de 2 ans était dans mes bras. Et donc, celle qui avait 9 ans et 6 ans m'en veulent encore aujourd'hui. On a regardé ça toutes les quatre. quatre ensemble, enfin, mettons que la quatrième l'a pas vue. Et on avait peur, on était terrifiés. Puis moi, en plus, mon lit est en plein milieu de la chambre, comme celle de Regan, la petite fille jouée par Linda Blair. Et à un moment donné, il y avait eu un tremblement de terre et mon lit avait légèrement tremblé. Et j'avais eu tellement peur, je me disais, ça y est, je suis possédée par le démon. Et donc, j'avais fait mon signe de croix. Il y a eu des films marquants en 1973, La Nuit américaine de Truffaut est sorti cette année-là. Soleil vert, que j'avais vu au cinéma plus tard, avec Charlton Heston, qui prédit bien certaines problématiques d'aujourd'hui. On va bientôt manger des cadavres. Non, il y a longtemps que moi je ne l'ai pas vu, mais effectivement, ça annonce les problèmes de surpopulation qu'on va connaître. Hein. Mm-hmm. American Graffiti avait été un énorme succès avec aussi. Harrison Et là, je vous pose une colle. Mais il y a un film qui, de science-fiction, qui est un western. De quel film je Westworld. Parle? Westworld, oui. Le monde de l'Ouest, avec Yul Brynner dans le rôle d'un robot. Mais ça aussi, ça m'avait fait peur. Qui est devenu une série à HBO. Oui, que j'ai pas regardé, c'est terrible. Bon, ben, attention, petite musique, parce que deuxième colle lié au cinéma et à l'année 1973. Tout à l'heure, Olivier nous disait qu'il a été gavé de western américain. Mais encore, allons-y plus large, cette musique est tirée de quel film? Mon nom est personne. Oh, elle est imbattable. Moi, je suis nul en musique. Hey, je me rappelle, on sifflait ça dans la cour d'école. Cette musique-là jouait lors des intermèdes à la télévision. Quelquefois, il y avait comme un moment où il n'y avait plus rien à la télé. Ils mettaient de la musique, puis avec une image fixe. Là. Oui, oui, oui. À défaut d'un court-métrage. Mon nom est personne, qui n'est pas un film de Sergio Leone, qui est un western spaghetti avec Henry Fonda et Terence Hill. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais vu ce film, et Terence Hill, dans le film, mangeait des beans, des fèves au lard dans une casserole. Ah oui, je me rappelle. Puis j'avais dit à ma mère, je veux manger j'ai comme lui mes bines dans une casserole. Donc, Olivier, tu parlais de western tout à l'heure, mais il était une fois dans l'Ouest, puis les films de Léoné, ça a dû te marquer plus tard malgré tout. Oui, mais ça, je suis allé les voir au cinéma, parce qu'à la télévision, ça passait pas, ces films-là, et je suis allé les voir au cinéma, donc ça, dans les années 70, début 80, effectivement, c'est là que j'ai découvert, il était une fois dans l'Ouest, au cinéma. Ça reste des grands moments, parce qu'effectivement, là, d'un seul coup, on a ces énormes gros plans. C'est des grands moments de cinéma, ça. Et la musique de Morricone. Inoubliable. Et puis la scène, l'introduction était une fois dans l'Ouest, le duel initial à la gare entre Charles Bronson et les trois pathétiques. L'homme à l'harmonica, oui. Là, je vous pose deux autres questions quiz avant de laisser la place aux publicités à l'encant de CKRL. On vient de parler de Terence Hill. Il a aussi joué dans un western à l'époque, qui est une comédie aussi, un peu comme Mon nom est personne où il y avait de l'humour, mais qui mettait également en vedette Robert Charlebois et Miu Miu. Quel est le titre? La cloche et les idiots. Oh, que t'es pas loin, mais ça, c'est avec Jim Carrey. Non, il y a trois titres. C'est. Il y a une cloche. Un génie, un assassin, une cloche. Un génie, deux assassins. Ceci est une cloche. C'était pas Miu Miu qui était également la vedette? Il me semble que c'est Miu Miu. Voilà, exactement. Avant de passer au dernier extrait musical, avant de passer au pub, justement, il y a un film auquel je ne m'identifie pas par ce qui s'y passait, étonnamment, pas du tout. Et pourtant, pour moi, c'est l'un des plus grands films d'amour de l'histoire du cinéma. Quand je le revois à la télévision, je manque de pleurer. Et cette histoire d'amour met en vedette Robert Redford et Barbara Streisand. The way we were. 1973. Streisand... Je suis ému. Dans le film, jouait une communiste. Hein. On était réellement dans une espèce de guerre féministe, froide. Communiste qui vient pas du tout du même milieu que Robert Redford, qui est un peu le Richard Gere d'un officier and gentleman plus tard. Oui, c'est vrai. C'est le Brad Pitt de l'époque aussi. Là. Absolument. On se laisse sur la musique de The Way We Were et on se retrouve à 16h pour la dernière demi-heure de cette émission de Fahrenheit 50+1. Mm-hmm.

En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits. Entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maudamel Limoilou, 418-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. Le 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement en affiche. Bo is Afraid, Big George Foreman, La Bonne Société, David contre Goliath, Dieu tu es là, c'est moi Margaret, Dounia et la princesse d'Alep, Parador, Fragile, Les gardiens de la galaxie volume 3, L'opéra de la terreur Renaissance, Phi, Polite Society, Showing Up et Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans. Sur les ondes du 89.1, le radioton du 50e anniversaire de CKRL se poursuit. Pierre Blais au micro, en l'absence d'Anne-Josée Cameron qui était censée co-animer cette émission mais qui s'est portée pâle. Dernière demi-heure de l'émission Fahrenheit 50+1 qui souligne les 50 ans de CKRL et nouveau montant dévoilé dans le cadre de ce radioton. On récolte l'argent. Vous pouvez redevenir membre de CKRL, être nouveau membre, miser sur des encans, nous soutenir, nous appuyer, nous encourager, mais pas nous supporter. Porter, on n'est pas un mal de tête quand même. Donc, on est rendu au chiffre magique de 38 135 $. 38 135 $ pour le Radioton de CKRL. L'émission se poursuit accompagnée de mes deux invités où on revisite le cinéma et la littérature. Donc, on parle de culture. On a fait le tour de l'année 1973 avec Manon Dumais du Devoir. Rebonjour Manon. Rebonjour Pierre. Et Olivier Lefébure de Média Film et de Cinécole. Olivier, rebonjour. Olivier, on le disait tout à l'heure, Cinécole, c'est des tournées dans les écoles de la province, des milliers de jeunes qui découvrent le cinéma parce que le cinéma québécois ne passe plus tellement à la télévision. Les jeunes ne regardent pas la télévision captifs comme avant avec Radio-Canada, Télémétropole et Télé-Québec. Donc, la mission, c'est de leur montrer des films. Quel est l'enjeu en 2023? Est-ce que c'est l'accessibilité au long métrage québécois, Olivier? Alors, l'accessibilité, à mon niveau, non, parce que c'est relativement facile d'y avoir accès. Avec les distributeurs. Avec les distributeurs, j'ai de très bonnes relations, parce que justement, notre travail, c'est... Les distributeurs sont ravis de présenter leurs films à des jeunes, comme j'ai présenté Respire de Noor Karaman à des jeunes, ou Chien Blanc, donc on obtient facilement les copies. Ce qu'il faut juste, c'est maintenant trouver, toujours, à chaque année, des nouveaux films québécois, mm-hmm. qui sont à la fois de qualité, mais aussi, comme je m'adresse à des jeunes, il faut aussi pouvoir rejoindre les jeunes, parce que si on leur présente un film sur lequel ils n'accrochent pas... Des films de Denis Côté. C'est... J'ai rien contre Denis Côté, mais c'est plus ardu. C'est ça plus prend une ardu, culture cinématographique. Voilà. Donc, c'est pas des films qu'on peut leur présenter. Et mais faut... Noémie dit oui, puis je vous salue salope, qui sont deux films extraordinaires. C'est délicat, cependant, si alors, on s'adresse aux jeunes secondaires. C'est ça. Le problème, c'est aussi de trouver des films... qu'ont des contenus pédagogiques que les enseignants puissent utiliser dans mm-hmm. le cadre de leur pédagogie, et des films qu'on peut aussi techniquement montrer à des jeunes. Parce que moi, je fais du secondaire 1 au secondaire 5. Noémie dit oui, on peut pas le présenter à ses secondaires 1 ou 2. C'est de 16 ans et plus, hein, je pense. C'est... Oui, donc faut un mix de tout ça. Faut trouver un film de qualité, un film qui va rejoindre les jeunes. C'est un job de programmateur. C'est une vraie job de programmateur. Puis je suis toujours à surveiller ce qui s'en vient comme film. Et là, un de ceux que j'ai en vue, c'est Rue, d'après d'après le roman de Kim Thuy. Il devrait sortir. Charles-Olivier Michaud qui a réalisé tout ça. Voilà. Il devrait sortir normalement à l'automne. Donc, j'espère, je suis fébrile. J'attends de savoir est-ce que le film est de qualité. Est-ce que je peux le montrer? Parce que faut pas qu'il y ait de nudité. Faut pas qu'il y ait de scènes ambiguës. Bref, j'essaye de voir tous les films québécois que je peux pour essayer de me dire, ah oui, ça c'est un film ciné-école, ça c'est pas un film ciné-école. C'est mon grand défi dans les prochaines mois, de voir vraiment qu'est-ce que je peux avoir comme programmation. Mm-hmm. Comme Le Plongeur, c'est pas ciné-école. Le Plongeur, c'est pas trop intense, ça peut être du second cycle. Il faut rappeler que c'est un jeune qui est dans le gambling, qui a 19 ans et qui a des problèmes de gambling. Avec des hommages à Mean Streets, le premier film de Scorsese en 1973. Je dirais que l'inconvénient du Plongeur, il fait 2h05. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est un film qui est un petit peu long parce que les écoles, ils ont toujours un chronomètre qui est tout le temps en ligne de mire. Ben voilà. Donc, c'est ça. C'est toute une programmation, mais ça fait plus de 10 ans que je le fais, puis je m'amuse comme un fou. Maintenant, au devoir, le cahier-livre, le cahier livre et cinéma, c'est quoi les enjeux en 2023 concernant le journalisme puis le journal de ce côté, d'un point de vue culturel? Survivre, mais enfin, c'est faire le tri. C'est souvent des déchirements, parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on met en évidence? Qu'est-ce qu'on critique? Qu'est-ce qu'on met de côté? Exactement, surtout parce que le cinéma, quand il sort, même quand il sort qu'une douzaine de films par semaine, c'est déjà beaucoup. A-t-on l'espace pour 12 films? Non, pas nécessairement. Mm-hmm. Lesquels seront critiqués, lesquels aussi on mettra en valeur avec une entrevue, par exemple, lesquels on mettra à la une. Et c'est la même chose en livre. Et en livre, c'est encore plus difficile parce qu'il y a tellement de romans, il y a des essais, de la poésie, de la littérature jeunesse, et des pas BD, seulement québécoise, des polars, internationale, avec les traductions. Exactement, les traductions, puis toute la littérature qui nous vient de France. Albin Michel et Gallimard ont le don de sortir 35 livres à la même date. On dit, OK, on est en sur 3 mois. Ça joue dur en coulisses, Manon? Ça joue dur. Disons que je voudrais pas être une attachée de presse, parce que c'est elles qui vont nous vendre les livres, qui vont tenter de nous convaincre. Oh oui, parler de notre livre, parler à notre auteur ici et ça. Mais non. Ça joue du coude et puis moi, je dois débattre. OK, ça y est. Avec mes collaborateurs, moi, j'ai une quinzaine de collaborateurs au cahier livre. C'est une grosse équipe. Oui, parce que je peux pas. Oui, je pense que j'ai des pas pires antennes, mais ça me prend d'autres antennes autour de moi parce que justement, je suis pas spécialiste de tous les genres. J'ai mon binôme polar, j'ai mon binôme littérature jeunesse, donc je me fie à eux. Ah, j'ai entendu dire que tel polar était bien, c'est vrai ça? Ou ah non, il y en a un meilleur que ça. OK, d'accord, on parlera de lui à la place. Manon, en 2 minutes, moi, chaque vendredi, je reçois dans ma boîte courriel le courrier des écrans du devoir. Alors, tu fais partie des 21 000 abonnés. Comme moi. Merci. On remplit un centre Vidéotron avec 21 000 abonnés. Oui, alors tous les vendredis, je fais mon petit centre Vidéotron quand même, c'est pas mal. Donc, et ça fait le tour des sorties en salle, mais aussi de ce qu'il y a sur les plateformes, des séries télé. Oui. On ratisse large, grand et petit écran. Oui, c'est écran au pluriel, oui, c'est ça. Même avant, on parlait de jeux vidéo, mais là, on n'en parle plus parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas notre lectorat. Dommage, mais c'est ça. Oui, on parle beaucoup de séries parce que évidemment, on voit énormément de séries, pas que à la télé traditionnelle, évidemment, sur les plateformes. Je pense à Netflix, Prime, Disney+, Apple, toutes celles-là, Crave. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des séries québécoises, on parle pas que de séries américaines, parce qu'on fait l'année passée, je dirais que de plus en plus, chaque année, quand on fait notre top de séries, toute l'équipe de télé, parce que je fais partie aussi de l'équipe télé, parce que j'en couvre pas mal, soit en entrevue ou en critique, on se dit, oh mon Dieu, oh, qu'est-ce qui va paraître, qu'est-ce qui va être dans notre top 5? Mais donc, le courrier des écrans, pour y revenir, parce qu'il fallait que je parle du courrier des écrans, c'est moi qui le réalise. En fait, et on peut s'abonner gratuitement. On peut s'abonner, c'est gratuit. Ça nous donne une idée de ce qui va paraître dans le devoir, mais de ce qui va sortir au cinéma et sur les plateformes. Oui, parce qu'on retrouve toutes les entrevues et les critiques de la semaine, mais pas seulement celles du cahier des, celles qui sont parues dans le quotidien, parce que la culture au devoir, c'est au quotidien. Ouais, et c'est gros. On le disait, les séries télé, il y en a eu en Amérique du Nord, je pense que c'est 590 en 2022. Ouais, je les ai pas toutes vues. Non, moi non plus. Non plus. Déjà que je t'occupais avec le cinéma, et on va en parler de cinéma dans une minute à peine. On va lui laisser le temps de venir nous rejoindre parce que le cinéma Le Clap a pignon sur rue à deux endroits, à Sainte-Foy et à Loretteville. Et à Loretteville, ils sont en train de s'agrandir. Ça, c'est la rumeur qui a été confirmée cette semaine. Puis parlant de pignon sur rue, c'est le titre d'une émission à Télé-Québec, la première télé-réalité. Mais en 1973, Rue des Pignons, c'était l'un des grands succès à la télé. Dans un instant, Robin Plamondon du Clap. Olivier Lefébure, Manon Dumais sont à table avec moi dans le célèbre studio Denis Barry de CKRL. Il vient de se joindre à nous comme nouvel invité. Robin Plamondon, bonjour. Et bonjour. Robin, porte-parole affaires du Radioton. Oui, c'est le fun. Voilà, hein? Ben oui, quand oui. même. Hein? Moi, je suis content parce que le CLAP soutient CKRL depuis de nombreuses années. Puis nous, on se connaît depuis un bail aussi. Exact. Tu n'étais même pas directeur du CLAP quand on s'est connus. Absolument. Je m'occupais du magazine à l'époque. Bien sûr, tu n'étais pas designer graphique. Exact, oui. Mais ça, tu t'ennuies pas de ce côté artistique? Puis là, de gérer de la paye, des employés, puis de la construction, puis du béton? Bien, quand on a le côté artistique, je pense qu'on réussit à l'exprimer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Fait que j'arrive à faire ma gestion de façon créative et artistique. Je te posais la question un peu à la blague, mais je le disais tantôt, parlant de béton, c'est que le CLAP est à Sainte-Foy, déménagé de la pyramide déjà depuis quelques années pour s'installer juste à côté de Place Sainte-Foy. Mais là, à Loretteville, ça a été ouvert avant, justement, le nouvel emplacement du CLAP. Puis là, déjà, c'est neuf ou presque. On s'agrandit. On agrandit, ben oui. Ben c'était déjà prévu quand on a fait le complexe. On allait l'agrandir probablement dans les cinq premières années. Bon, il est arrivé deux années houleuses qu'on connaît. Ça nous a un petit peu retardé dans nos projets, mais ça fait un bout de temps déjà que c'était planifié. L'édifice le permettait. Il y avait une zone qu'on n'avait pas utilisée dans la construction. Donc, il nous restait un espace à exploiter. Et le propriétaire de la bâtisse acceptait gentiment de garder ça dans les options pour nous pour les premières années. Qui va servir pour le cinéma, mais pas uniquement. Non, ben déjà en partant l'agrandir le hall d'entrée, parce qu'on a un volume de clients beaucoup plus grand que ce qu'on pensait faire dans les premières années. C'est-à-dire qu'on a atteint présentement l'équivalent de notre cinquième année de vie, ce qu'on avait prévu au départ. Donc, on a déjà atteint cette croissance-là. Et là, on a un frein à la croissance, c'est la capacité d'accueil de nos clients et aussi la capacité d'avoir plus de produits à l'écran. Donc, une partie, c'est l'accueil, la partie restauration, hall d'entrée, mais on ajoute des salles supplémentaires. Donc, dès cette année, une première salle multi, une salle qui va permettre de faire du e-sport, un peu de la créativité dans la présentation d'événements particuliers. Et dans la deuxième étape, au courant de l'année 2024, on va intégrer deux nouvelles salles, donc deux salles d'à peu près 80 fauteuils dans la nouvelle zone. Je parlais avec Manon du journal Le Devoir, parce que les critiques de films qui y paraissent, il y a des gens qui lisent ces critiques-là. On parlait avec Olivier d'introduire les jeunes au cinéma québécois. Avec le CLAP, des organisations, des visionnements scolaires, puis l'importance, j'ouvre la discussion à tout le monde, l'importance des critiques dans les médias, c'est important tout ça? C'est très variable. Les critiques ont une influence sur certains titres, mais pas sur tous. On s'entend qu'un film commercial, un film comme Iron Man, peu importe, n'a pas un impact énorme, le critique, là-dessus. L'intérêt est déjà là. L'intérêt est déjà là, puis la clientèle n'est pas tellement... À la limite, ils veulent se faire une idée par eux-mêmes. Même souvent, ils s'attendent à avoir pas... Ils n'ont pas des attentes tellement grandes pour leur film quand c'est le cinquième, sixième opus d'une série, mais ils veulent quand même voir la suite. Là où ça a une influence, c'est quand on a un film qui est plus difficile, plus niché. Là, on a besoin du support des journalistes. Quand ils ont apprécié le film, ils vont en parler. Là, ça a un impact beaucoup plus grand sur le Manon, film. As-tu l'impression que certaines critiques dans Le Devoir qui ont eu un effet directement sur un certain succès de film? C'est difficile à dire parce que, bon, je regarde pas tellement le box-office. Bon, des fois, je demande à Olivier, je dis, puis dis-moi donc les chiffres de tel film. Par exemple, j'étais curieuse de savoir si Farador avait fait un bon score parce que moi, j'ai beaucoup aimé film Farador. Film québécois sorti sur 65 écrans, qui est quand même un peu niché, là. Oui, c'est un peu niché parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement pour les geeks. Or, moi, je suis un peu geek, mais j'ai jamais joué à Donjons et Dragons et j'ai adoré ce film-là. C'est quand même grand public. Oui, moi, je trouve que c'est grand public, mais il y en a qui, malgré les critiques, pas seulement la mienne, celle de la presse, Journal de Montréal, Cinoche, tout le monde a fait des critiques très élogieuses, mais j'ai l'impression que le film a peut-être pas rencontré son public. Le film marche moyennement. Les chiffres sont corrects, mais sont pas géniaux. On aurait pu s'attendre à des chiffres plus importants, parce qu'effectivement, c'est un film grand public, mais dont le sujet est assez niché, puisque c'est quand même trois gars qui ont la mi-trentaine, qui continuent à jouer à des jeux de rôle. Des adolescents. Donc, c'est pas le genre de film qui va rejoindre la clientèle plus âgée. Ceux qui ont 70 ans et plus vont pas du tout se retrouver. Et puis, on a toujours le même problème des jeunes d'aller les chercher. Et ça, c'est le gros problème cinémas, d'aller chercher les jeunes. C'est un enjeu, Robin? C'est un enjeu surtout dans la mise en marché des produits. C'est qu'actuellement, ce qu'on a l'impression, c'est que souvent, le public n'est pas assez bien établi au départ lors de la mise en marché du film. Ce qu'on voit moins en télévision, c'est très, très serré la façon dont on va gérer un produit quand il va arriver à l'écran. On sait exactement à qui on veut parler, à une tranche d'âge de plus ou moins 6 mois. T'sais. Mais au cinéma, c'est beaucoup plus vaste que ça. On dirait qu'on a de la difficulté à vraiment faire une mise en marché qui va être spécifique à la clientèle qu'on veut aller chercher. peut-être par peur de passer à côté d'un plus vaste public, mm-hmm. mais dans le cas d'un film comme Farador ou Bungalow, ce sont des films qui s'adressent à une clientèle, ou Ligne de fuite qu'on a eu l'an dernier aussi, mm-hmm. c'est des films qui s'adressent à une clientèle de trentenaires, mm-hmm. et on a comme la crainte de vouloir s'attaquer puis de leur parler directement à eux. On essaie de parler large, mais quand dans le fond, c'est un film qui les concerne eux. Et moi, j'ai une question quiz pour Robin, parce qu'on jasait du cinéma, bien évidemment, avant que tu arrives, et chose que je n'ai pas dite à Olivier et Manon, c'est que mon plus jeune, qui a 15 ans, est allé au CLAP la semaine dernière. Alors, ma question au quiz, Robin, quel film est-il allé voir? Et la semaine dernière, je connais pas ton fils personnellement. Il a 15 ans. Est-ce qu'il est cinéphile? Non. Je ne dirais pas ça. Ben écoute, s'il n'est pas cinéphile tant que ça... Il est gamer. S'il a suivi 80% de la clientèle actuelle... Il fait du kung-fu. C'est qu'il est allé voir... Il fait du kung-fu aussi. Il fait du kung-fu, il est gamer. Il est allé voir Mario? Non, non, non, là je suis en train de donner des fausses pistes. Shazam. Suzume. Ah oui. Oh, oui. Qui est un dessin animé japonais. Oh. Et il y a une clientèle chez les adolescents qui lisent des mangas, oui, et c'est qui suivent l'actualité pour tout ce qui est film d'animation, oui, japonais. Oui. C'est drôle parce que c'est un type de produit qui, encore là, doit être traité différemment. Puis on le sait depuis quelques années, c'est difficile d'aller chercher la bonne mise en marché pour un film. Ça, c'en est un exemple. Les films de type animation japonaise, là, ou comme ceux qui sont beaucoup attirés vers la lecture manga, mm. bon, mais qui est en croissance d'ailleurs, là, on le voit dans nos librairies, mais le film à l'écran, c'est un film qui va faire son premier week-end extraordinaire et qui va fondre rapidement. Ça décroît vite. Ouais, parce que c'est une clientèle très réactive. Ils l'attendent depuis longtemps, le produit, et quand il sort, ils veulent le voir. Faut pas passer à côté. Je me trompe, le succès du CLAP à Québec est quand même très particulier parce que c'est pas nécessairement des cinémas de quartier. Peut-être un peu plus Loretteville, mm-hmm. mais on peut pas le dire. À Montréal, il y a le cas du Beaubien qui fonctionne très bien, mais c'est un cinéma de quartier. Est-ce que je me trompe, il n'y a pas le pendant à Montréal, nécessairement, du succès du CLAP? Hein? Je pense pas. Ben, c'est le CLAP, c'est un peu un généraliste en même temps. Hein. On n'est pas là pour une seule clientèle. Vous touchez à tout. On touche à tout, puis c'est ce qui nous permet de passer à travers les années où il y a des périodes de l'année où le film français est très peu présent ou très peu payant, et d'autres parties de l'année où c'est les films commerciaux qui fonctionnent pas. Donc, quand on arrive, nous, dans des périodes où le film commercial est très peu accessible, il y a très peu de nouveaux produits, on a souvent ça, la deuxième ou troisième niveau de programmation qui nous permet d'avoir une clientèle qui est stable. Donc, ça, on le voit peu, c'est vrai, mais il y en a quand même des exemples. Évidemment, la population de la ville de Québec l'habitude de venir au CLAP. On est là depuis près de 40 ans maintenant, puis c'est un cinéma... Juste un peu plus jeune que CKRL. Juste un peu plus jeune, mais c'est une clientèle aussi abonnée. Donc, on a un vaste réseau d'abonnés qui sont prêts à prendre des risques avec nous. C'est ce qui nous permet d'aller loin dans la programmation puis d'offrir une programmation qui est beaucoup plus étoffée que dans d'autres marchés. Je me trompe, Olivier, maintenant, effectivement, à Montréal, depuis la fermeture d'Excentris, ben, il y a le cinéma du musée, il y a du parc également. Il y en a quelques-uns, mais il me semble qu'il y aurait de la place pour un nouveau cinéma de centre-ville. Oui, oui. Oui, parce que en fait, il y a le complexe Beaubien, parc et musée qui est très cinéphilique, mm-hmm. et puis très de quartier. Puis le quartier latin qui appartient à Odéon encore, je crois. Oui, exactement. Oui, mais après, il y a quelques gros cinémas commerciaux, mais avec des programmations uniquement de gros films, de blockbusters. Pas assez diversifié. Pas très intéressant, toujours. Et effectivement, au centre-ville, il pourrait y avoir un cinéma beaucoup plus... Il n'y a pas d'expansion du côté de Montréal, Robin? Oui, moi je pense que... Ah, ce serait... Est-ce que les locaux d'Excentris ont été... sont occupés? Je crois qu'ils ont été récupérés, oui, mais c'est depuis le départ d'Excentris, effectivement, il y a un trou, je dirais, cinéphilique au plein centre de Montréal. Mm-hmm. Mais la Cinémathèque a un peu rattrapé le coup. Ben, la Cinémathèque a récupéré la programmation du parallèle. Oui. Donc, effectivement, ils font plus de programmation pointue, mais ça reste quelque chose de très pointu, très spécifique. Ouais, nous, on a deux claps, on les garde les deux. Ouais, puis on regarde les Oui, puis ils sont très bien. Moi, j'y vais régulièrement avec mes jeunes. Et c'est toujours un bonheur d'aller chez eux parce que c'est facile de travailler avec eux. Et Robin Plamondon, vous partez pas, là? Non, je reste ici. Oui, parce que c'est la fin du Radioton. Je pense qu'on va vous solliciter tantôt encore. Exact, oui. Ben voilà. Hey, c'est déjà tout. Ah, voilà, on est même 15 minutes, là. On déborde, là. On est en overtime. Manon Dumais du Devoir. Merci. Un plaisir. Et puis on va se reprendre, c'est sûr. Olivier Lefebure, merci. Merci. On se reprendra également. À la mise en onde, Dominique Lelièvre, Robin Plamondon qui reste ici pour le 50e anniversaire de CKRL et le Radioton qui se poursuit, c'était Pierre Blais. On se laisse. Est-ce qu'on a le temps de 5 secondes d'Elton John, 1973? Oh. You know you can't hold me forever. I sign up for you. Fahrenheit 89.1 vous a été présenté par le Cinéma Le Clap, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation sur leclap.ca. Bon cinéma! CKRL 89.1, 50 ans de radio.